Le rassemblement commémoratif pour le 70e anniversaire de la fondation du musée de l'histoire du Mont Myohyang a eu lieu le 2 courant. Le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée a été transmis au personnel du musée. En voici le résumé. Le musée de l'histoire du Mont Myohyang est le point d'appui de l'éducation patriotique empreinte de la direction des grands leaders et le lieu des vestiges culturels du pays où on conserve dans leur état initial les sites pittoresques et les vestiges du célèbre Mont Myohyang. Le président Kim Il-sung a visité le Mont Myohyang le 3 mai de l'an 36 du Juche 1947 et donné des instructions pour la mise sur pied du musée et son entretien. En l'inspectant une dizaine de fois, il a consacré de grands efforts pour l'aménager au musée de trésor national allégué de génération en génération. Quant au général Kim Jong-il, il a aussi inspecté plusieurs fois. Il a indiqué qu'il faut principalement faire de la propagande sur les sites pittoresques et vestiges historiques tout en les conservant et entretenant comme il le doit. Ces 70 dernières années après sa fondation, le musée de l'histoire du Mont Myohyang s'est transformé en point d'appui puissant de l'éducation patriotique et en vestige culturel d'ordre mondial et a inspiré à la population du patriotisme et présenté largement l'histoire et la culture de la nation. À la suite du rapport, il y a eu des interventions.